Aujourd'hui, le lundi 6 janvier 2020, monte le volume et hume la différence car c'est parti mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Tu as les yeux bleus et tu es si jolie, tu jongles avec ma vie. Tu as la peau douce et tu fais mon malheur, tu jongles avec mes heures. Pendant que je t'aime, je sais que tu m'oublies, je pense avec ma vie. Non, hey, tu penses avec ta vie. Tu penses pas avec ta tête, tu penses avec ta vie. Belle formulation, mon champion! On appelle ça de la création. Baisse. On appelle ça de la création automatique. Qui vient, bien sûr, de l'écriture automatique. C'est automatique. Le jour où nous commencerons à créer manuellement, lâcher l'automatique et l'automatisme pour épouser le côté beaucoup plus profond où se cache dans les interstices de l'imaginaire. Des mots, des sens, des métaphores qui n'ont jamais été exploitées par l'automatisme, mais qui seront embrassées un jour par le manuel. Pas le manuel d'instruction, pas le manuel d'un bouquin, mais le manuel, c'est-à-dire faire nous-mêmes notre propre chemin. Creuser pour essayer d'aller chercher quelque chose en nous qui nous surprend encore. Et il y en a plein. Il y a plein de choses qui nous surprennent encore. Et moi, quand je vois une fleur au mois de janvier, je suis estomaqué. Comment ça? Elle n'est pas gelée. Elle n'est pas morte. Elle est éternelle. Une autre qui s'imagine éternelle. Gaétane Brisebois, 53 ans d'indifférence envers son mari, son pauvre mari, pas au niveau monétaire, au niveau intellectuel, elle lui a tout pompé. Au début, c'était sexuel, mais après ça, c'est devenu intellectuel. Tout son savoir, elle se l'est approprié. C'est une gobeuse. Connaissez-vous les gobeuses? Les gobeuses. Il y en a de la gobeuse. Pas juste québécois, celle-là, cette affaire-là. Là. C'est mondial. Quand tu parles de mondialisation, pense à la gobeuse. Il y a toujours une gobeuse près de chez soi. On le sait, on la voit, on la reconnaît. Il faut ne pas s'y accrocher les pieds. Parce que la gobeuse, elle voit bien que t'es fragile, là. Elle a juste quelque chose de plus que toi, t'as pas. C'est l'observation. Et le jour où tu vas flancher, où tu vas devenir vulnérable, elle t'attrapera. Comme un vautour. Tu sais, les vautours, là, qu'est-ce qu'ils font, les vautours? Les aigles. Hey, l'aigle. L'aigle noir. Mais l'aigle, moi, c'est blanc avec du jaune, là. L'aigle blanc avec du jaune, ça doit avoir un nom, ces bébites-là. Mais ça tourne autour de toi. Un peu aussi comme les. Comment tu les appelles, Gaétane? Tu sais, quand il y a un corps mort. Un corps mort. Un corps. Un corps. Un corps mort. Un mort mort. Un mémi mort. Des mémoires. L'as-tu déjà vu, des mémoires? Je veux dire, pas à la télévision, pas dans les films, mais vraiment Demi Moore. Là, t'as dit, ah, bonjour Demi, moi c'est Reynald. As-tu déjà rencontré Demi Moore? T'as manqué quelque chose. Demi Moore a vraiment un grain de sel qui te titille le poivre. Puis quand ton poivre est titillé, de un, tu veux pas que ce soit du piment parce que ça va brûler en Saint-S'il vous plaît d'Amérique du Nord britannique. Ça, c'est ouais, je viens de sortir cette expression-là depuis quelque temps. Là. Je l'aime. C'est historique. Ça veut dire quelque chose. Les gens qui connaissent adorent parce qu'ils ont des références. Les autres ont la babine bandante. Tu sais, la babine qui descend, mais... Tu sais, ça, c'est... ça fait partie de bien des choses, là. Mais surtout, ça fait partie... Je cherche le mot pendant que... Oui, faut pas chercher, faut le trouver. Tu fais du direct, man. Tu fais du direct, man. Non, moi, c'est pas man, c'est monsieur. Monsieur man. Monsieur man! Monsieur man, M-A-N, M-E-N. M-E-N, je pense que c'est du pluriel de man. Man. Non, mais moi, là, j'ai trouvé la man. Donc, c'est cette man-là que je veux que l'on utilise comme terme. Puis, avez-vous entendu quand je vais être... j'essayais de m'accrocher parce que l'improvisation, c'est ça la beauté. Tu vas de liane en liane. Bon, je ne veux pas me comparer à Tarzan, là, comme disait Serge. Tarzan est heureux. Ah, Tarzan est heureux. C'est quoi cette chanson-là? Ah, Tarzan est heureux. Et Tarzan est heureux. Et Tarzan. C'est facile, ça, parce que c'est le titre. Et ma déshonorée me disent mes amis. Ah non, c'est pas la même ça. Je m'en fous pas mal aujourd'hui. Je m'en fous pas mal car depuis chaque nuit, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Puis hey, c'est là que j'habite, moi, quand je vais la voir vivre à Pigalle. C'est pas innocent, là. Ben, en fait, j'ai l'air de ça, mais c'est pas innocent. Tout est calculé, là. C'est comme le peintre. Le dessinateur. L'être iconique qui voit une toile, qui prend, bien sûr, son objet de prédilection, de prédilection qu'il aime bien, soit la plume, le crayon, la gouache, le stencil. Le stencil, c'est le carbone 14. En tout cas, et puis qui se laisse imprégner de rien pour arriver à tout. On appelle ça la page blanche. Tu peux pas voir... Mais oui, il y en a qui font ça. Et puis ça, c'est difficile. Il y a des réalisateurs de cinéma, là, ils ont leur scène en tête, puis il faut que ce soit vraiment ça pour qu'ils disent « OK, on le place en boîte ». Il y en a de même. Ils sont difficiles à vivre. Là. Stanley Kubrick, le cinglé. Mais quand on est fou, l'intelligence est là. Ça, c'est un peu comme la cocotte minute. Ou, tu sais, quand on dit on va faire du. Attendez un peu, on va faire du. On va faire du. On va faire dur. Non, on fait dur tout le temps. On va faire... OK, ouais, la mijoteuse. Quand tu te prépares un mets à la mijoteuse, tu mets toutes tes affaires là-dedans. Oignons, carottes. Êtes-vous végé? Végé? Êtes-vous végé? Végé? Vous savez pas... Vous connaissez... C'est un terme. Êtes-vous viande ou pas viande? Vous êtes viande. Êtes-vous rouge ou blanche? Ça dépend de la crème. Ah oui, mais ça, non, pas votre peau à vous. Elle est drôle, hein? Elle sait pas bien drôle. Elle est comme ça, elle. Oh, elle est descriptive. Oh, elle est délivrée. Non, mais rouge, pas la... Je vous porte... Non, mais quand tu dis rouge ou blanc, c'est êtes-vous bœuf ou poulet? Oui. Vous êtes veau. Vous êtes cochon. Ah, vous vous référez à votre mari, vous, là. Ah non, à vos actes. Oh, dans le privé. Alors, vous êtes cochonnette. Cochonnette prépète. Vous êtes cochonnette prépète? Alors, on appelle à la barre cochonnette prépète. Cochonnette prépète. Ah, ça ne se reconnaît même pas. Cochonnette prépète. Ben oui. C'est toi, cochonnette prépète, ou Madame Cougar? XL5. Celle qui veut rencontrer James Bond 69. Mais James Bond 69 n'existe pas, sauf dans son, dans son esprit, pas dans son intelligence, non, mais c'est dans ses fantasmes. À savoir, est-ce que le fantasme, on peut appeler ça une sorte d'intelligence? Parce qu'un poisson rouge n'a pas de fantasme, ça, là, non? Une laitue, une laitue française, un peu plus, mais ça a du poil sur la... Oui, vieille tradition, vieille tradition. C'est une tradition, c'est du folklore. Ben oui. C'est pour ça qu'après avoir mangé ça, on fait... Il nous reste encore du petit poil, mais c'est du petit poil français, inoffensif. Ben oui, c'est comme Pascal Obispo, là. Inoffensif. Sans intérêt inoffensif. Ah oui, tu écoutes ça, là, puis tu vas au VC, au V. Tu vas au V, au V. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais... Comment un navire ne peut pas naviguer? Pourquoi il n'a jamais navigué? Il n'y a pas beaucoup de résonance là-dedans, sauf quelques... réflexion qu'on peut placer là-dessus. Bon, il vient d'être construit. Ça se peut. Il n'a jamais connu l'eau. On appelle dans le milieu, parce que moi, je suis un marin. Quoi? Pardon? J'ai dit, je suis un marin. Quoi? Quoi? Ah, vous vous référez au Gouin de la fin, là, hein? Non, je suis un marin Gouin. Oui. Connaissez-vous? Ben oui. Ça vous pique la curiosité, hein, le maringouin? Mais ça, c'est assez spécial, hein? Parce que cet insecte... Est-ce que les insectes sont des animaux? Selon moi, oui. En tout cas, on va dire que oui pour l'émission, OK? Puis les biologistes, là, faites votre travail et puis trouvez ça, là. Vous avez juste ça à faire. Mais quand même, un biologiste, que ça fait? Ça regarde dans les... ouais, c'est ça. Ça regarde dans les lunettes d'approche. Qu'on appelle un... Quoi? C'est-tu un stroboscope, ça, c'est... Ouais. Dans les laboratoires, là. J'en ai déjà regardé, moi, là-dedans, là. Tu sais, il y a des burettes. Non, ça, c'est à l'église, des burettes. Il y a des... Hey, c'est malin, hein? C'est mal, hein, la vie. Ah oui. Non, mais rien de facile, là. On veut faire ça relax. Puis il y a toujours des réminiscences qui nous... C'est comme les vagues. Des vagues dans la... Tu regardes la... Tu veux dire, man? Ça, c'est pas... Je parle pas comme ça, moi, normalement. Là, parce que je suis possédé des Ramones. Quand je possédais des Ramones... Vous savez que c'est un groupe punk? Les Reynolds. Les Reynolds, ça, c'est plus punk que ça. C'est triple punk! Le triple punk n'a pas de regrets. Il commence, il termine, le dégât se constate par la suite. Pendant qu'il fait son spectacle, il se lance, personne ne le rattrape. Aïe, aïe. Mais il continue. Il a le sens du show business. Si tu as le sens du show, c'est quoi le sens du show business? De un, est-ce qu'il y a un sens dans le show business? Non, il n'y en a pas de sens dans le show business. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. On fait un bon disque, on fait un mauvais disque. On fait une belle prestation, on en fait une moins belle. On est bon, on n'est pas bon. Ça dépend. Ça dépend. Puis on s'en met de la pression. Là. On s'en met de la pression. C'est un peu comme un tordeur à saucisse. Tu sais, tu prépares ta moulinette de saucisse, là. Ta saucisse est prête, mais tu dois la mettre dans les boyaux. Ça se mange pas de même, ça, là, Mme Tremblay. Quoique, j'en connais un, là. Au lieu de mettre, placer ça dans les boyaux, entendez-vous? Il malaxe. Comme la chanson de Alain Souchon. Alain Bachung, malaxe. Ouais, je sais, c'est pas l'introduction de malaxe, là, mais c'est juste pour vous dire, il utilise sa pâte de saucisse pour en faire des galettes. Hey, c'est super bon. je vous conseille fortement, au lieu de prendre du bœuf haché pour faire votre burger, prenez ça. Bon, là, vous dites, comment on peut faire ça, voilà? J'en fabrique pas de la pâte de saucisse. Hein? Comment ça se fait de la pâte de saucisse? Ben là, c'est une recette, mais si vous voulez pas faire la recette, achetez-vous de la saucisse, coupez des boyaux, puis faites sortir la viande. Ah, c'est très chic. Puis en plus, si c'est pour une première rencontre, là, évitez de faire ça devant elle. Elle sera dégoûtée de vous. Et vous dormirez seul ce soir dans votre lit. Et c'est pas le but. Le but, c'est de la séduire. De vous dire, elle n'aura jamais rencontré un être aussi exceptionnel. La barre est haute. Je le sais. Alors là, tu prépares ta saucisse. Tu la procures au supermarché et tu coupes les boyaux. Juste une petite extrémité, là, un des deux bouts. Tu sais, c'est pas comme c'est comme le ver de terre, hein? Mais si tu coupes la saucisse, ben, elle ne se reformera pas un autre tête ou un autre derrière. Tu sais, une saucisse, c'est mort à l'origine. Si c'est vivant, tu te sauves, là. Parce que te faire courir par une saucisse, ça peut faire mal. En prison, là, y a de la saucisse qui court, là. Mais c'est pas cette saucisse-là qu'il faut. C'est de la saucisse, là, à partir du saucisson. Combien saucisson. Alors, tu coupes le premier bord, un des deux bouts. Hein? Un bord, un bout, bon, c'est la même chose. Un bord, un bout. Quand tu t'en vas dans un bar, tu dis, je m'en vais au bout du bord. Je commande une petite bière. Pas une bière, une petite bière. Une petite bière, c'est déjà moins dommageable qu'une bière. Parce que ça n'est pas vraiment une. C'est une petite. Bon. T'en commandes une. Tu prends une gorgée. Ça fait une petite moustache. Tu sais, t'as l'air ridicule, mais c'est pas grave. Charlie Chaplin a fait une carrière là-dessus, mais il était loin d'être ridicule. Et puis, là, tu regardes autour. S'il y a quelqu'un d'intéressant, tu vois pas là pour rien, là. Sinon, tu pourras boire ta bière chez vous. Alors là, tu ziotes. Tu fais le 360, là. Oui, ça, je l'ai appris grâce à... Parce que j'ai une formation en cinéma. Et au ralenti, je l'ai utilisé au ralenti. Linda Blair. Linda Blair. Connaissez-vous Linda Blair, madame? Vous n'avez pas compris. Linda Blair. Elle joue dans... Ben, elle a joué dans un film marquant. Marquant. Quand tu dis marquant, là, c'est une œuvre que l'on doit voir avant de quitter cette terre, là. C'est pas en haut qu'ils vont te le montrer, l'exorciste. Non, non, c'est en bas. En bas, l'exorciste. Alors là, elle a fait un 360. C'est-à-dire que son corps reste droit. Mais sa tête fait un tour. Quand je te dis un tour, là, c'est pas parce qu'elle reçoit une claque, là. C'est un tour volontairement d'elle-même. Parce qu'elle est possédée comme moi, Terremont. Comme moi, Terremont. Mais moi, je fais plus 360, je suis plus capable à mon âge. Là, mon médecin m'a dit, Morin. Voyons donc, qu'est-ce qu'il va, toi? T'as pas mangé ta... Non. Morin. J'ai dit, voyons, il est bloqué. Un médecin bloqué, c'est sûr. Ça... Moi, j'aimerais pas ça, travailler dans le milieu hospitalier. C'est une jungle. Épouvantable. Moi, j'allais voir mon poisson rouge parce qu'il a fait un ACV il n'y a pas si longtemps. Excusez-moi. Faut pas que j'en parle, mais j'ai toujours une émotion. Mon poisson, oui, Oscar, vous le connaissez. Vous écoutez mon émission, vous le connaissez. Ah, oh, Oscar, il est encore vivant. Faites-vous-en pas. Mais je l'ai vu. Excusez. Je l'ai vu en pleine attaque. Il faisait son ACV. Il noyait dans son bocal. Excusez, j'ai touché mon micro. Je suis tellement ému. Et là, je l'ai pris. Je l'ai mis dans un petit linge humide. Un linge humide, faut que... c'est un poisson. Il faut qu'il respire. Lui, il respire dans l'eau. Il respire pas dans l'air. L'air, pour lui, ça, il manque d'air dans l'air, lui. Il prend son air dans l'eau. Oui, mais ton mari, c'est la même chose. Mais lui, il prend son air dans le whisky. Mais là, mêle pas Oscar avec ton mari, là. Parce que mon Oscar, il était... Excusez-moi, il devrait mourir à l'hôpital. À l'hôpital du coin, là. Ben, je peux pas aller trop loin. C'est au mois de janvier. Oscar est presque paralysé. Il dit, voyons donc, longe-moi pas. Je fais le mouche à mouche. J'ai jamais pris ça, mais des... Pour réanimer un poisson, j'ai réanimé un chat, oui. Un chien, un oiseau. Ma femme, si ça me tente, cette soirée-là, tu sais, ça dépend. Et puis, faut savoir si toute notre... ouais, ça, c'est important, là. Est-ce que tout est signé convenablement, que c'est à part, moi, j'ai un peu d'argent, ça, sinon, c'est quoi l'intérêt? Fait que là, c'est pas ça que je veux vous dire, c'est Oscar! Oscar est en train de mourir, pardon, vous comprenez rien, mais oui, c'est l'émotion. Oscar est là, il frétille un peu. Je lui dis, monsieur le docteur, le docteur ou monsieur, peu importe. Il va peut-être mourir. Je dis, hey, c'est pas un jardin zoologique. C'est pas un jardin zoologique, c'est un hôpital. Ouais, mais c'est ça. Envoyez-le au jardin des animaux. Hein, les hôpitaux, là, c'est quoi l'hôpital d'un animal? L'hôpital d'un animal? Posez-moi pas de questions, c'est question pour un champion, ça, là, là, non, mais il va mourir, regarde, il balote un peu, mais pas tant que ça, là. Hey, pour qu'il puisse vivre un peu plus, je crache dessus, pas parce que je l'aime pas, pour qu'il y ait un peu d'eau, de la salive. Puis comme j'ai de la salive de créateur, vous voyez, je crois qu'il est en transe, donc c'est entre la transe et l'OCV. Quoi, le vétérinaire? L'hôpital des vétérinaires? Il n'y a pas les moyens, c'est gratis ici au Québec, là, le système hospitalier. On dit que c'est gratis. Mais là, non, il y a un grand problème. Pouvez-vous vous en occuper? S'il meurt, je meurs aussi. Parce qu'on a comme de l'ADN. J'ai de l'ADN de poisson, oui, mais j'ai. Il faut dire que. Si je me rappelle, là, j'en ai pas trop de mémoire, moi. Bon, il y en a qui disent que c'est de l'Alzheimer, hein, mais c'est des imbéciles. Ben non, c'est la communication entre moi et mon poisson. Combien de minutes, madame, peut se souvenir... Tu dis à ton poisson ton nom. T'aimerais qu'il te le dise, tu sais, à travers le bocal. Moi, le mien, c'est un excellent... Avec de l'oxygène qui est... Ça l'aide un peu. Puis, il aime ça regarder ça, lui. Il est psychédélique. Il est psychédélique en même temps. Fait que là, il regarde ça monter, là, à la surface, puis il dit, ah, oh, c'est beau. Mais dans sa tête de poisson, moi, je m'imagine ça, là. Moi, je suis juste ça. Quand j'y parle, moi, là, je dis des affaires que personne ne sait. Fait que s'il meurt, il meurt avec toutes mes réflexions, toutes les choses que je lui ai divulguées. Dans le creux du bocal. Faut qu'il reste vivant. Leur clairvoyance, leur multi-talent, leur polyvalence. Oui, je les aime. Les visites des huissiers, mais tout bien sûr de n'avoir rien oublié. Oui, je les aime. Maison de disque, l'attaché de presse, la standardiste, je les aime. Oh, oui, je les aime. Sans oublier ma petite Sassem, qui sait oh combien je l'aime. Non, ajoute pas, j'en fais pas de tonnes, mais j'espère surtout que je n'oublie personne. Lèche, but blues, je fais le lèche, but blues. lèche-pote-blues, je fais le lèche-pote-blues. Lèche-pote-blues, je fais le lèche-pote-blues. Lèche-pote-blues, je fais le lèche-pote-blues. Lèche-pote-blues, je fais le lèche-pote-blues. Je remercie au César de l'équipe sans qui je ne serais pas star. Oui, je vous aime c'est fou ce qu'on s'aime. J'aime tous les hommes politiques, ils sont si sincères et si sympathiques. Oui, je les aime. J'aime. J'aime la police et l'armée, tous ces beaux garçons si bien habillés. Je les aime. Oh oui, je les aime. Vive le showbiz et la charité. Il n'y a que la Suisse que je n'ai pas pu sauver. Non, rage pas, j'en fais pas des tonnes. Mais j'espère surtout que je n'oublie personne. Lèche pas de blues, je fais le lèche pas de blues. Lèche pas de blues, je fais le lèche pas de blues. Lèche pas de blues, je fais le lèche pas de blues. Lèche pas de blues, je fais le lèche pas de blues. Lèche pas de blues, je fais le lèche pas de blues. Libération, je serai tendu, mais je demanderai pardon. Lèche pas de blues, je ferai le lèche pas de blues. Lèche pas de blues, je ferai le lèche pas de blues. Lèche pas de blues, je ferai le lèche pas de blues. Lèche pas de blues, je ferai le lèche pas de blues. Lèche pas de blues, je ferai le lèche pas de blues. De lécher, ma langue est râpée, mais j'aime le lèche pas de blues. Oh, mon nom qui est dit. Mon nom qui est dit. C'est mon nom qui est dit. Je n'ai rien d'autre à dire, je l'aime. Dans les trois, là, selon Mon oncle Eddie, puis Jacques Dutronc, ça s'accote. L'autre, il tombe. Aujourd'hui, le lundi 6 janvier 2020, l'errance. Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. On sent presque Shakespeare. Ou Molière. Molière? Est-ce que c'est Molière? Ouais. Comme je disais à Gaétan hier, là, Molière dure aujourd'hui. Molle hier, dur aujourd'hui. C'est une blague que ça vient de mon cru. Qui l'eût cru? Le père Lustigru. Qui a répondu? Avec toi, mon champion, ma chatte n'est pas perdue. Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra y a les tra-la-la-la. Alors, oublions... Unissons-nous autour d'un artiste qui représente son groupe. L'artiste, c'est Philippe. Enfin, Philippe. Philippe, je m'excuse infiniment. J'ai flippé en disant Philippe, là, j'ai eu peur, ma bébine tremblait, je me suis dit, je suis pas capable. Un être devant extraordinaire. Je l'ai vu, je l'ai rencontré. J'ai même serré la main. J'ai payé un verre. On est comme des frères. C'est Philippe Patois. Philippe Patois. Il représente son groupe. Mais c'est un comédien, lui-là. Là. Auteur, compositeur, interprète, comédien. Donne-lui tous les archets. Il les a, les archets. Mais il fait partie d'un regroupement musical qui s'appelle L'oreille fougueuse de la voisine. Puis là, ça vous intéresse. Alors, pourquoi avoir trouvé un titre aussi extravagant pour un groupe de chansons, un groupe de musique, un groupe de sonorités? Il va tout nous raconter ça dans quelques minutes. Puis là, vous aimeriez avoir une preuve, là, hein? Avez-vous déjà rencontré Philippe Patois, M. Gagné? Oui. Dans quelles circonstances? Ben, pendant mes errances rénaldiennes. Où étiez-vous? Ben, à Paris. À quel endroit? À Paris. Quand même, hein? Où étiez-vous à Paris? À quel endroit à Paris? Monsieur le juge, j'aimerais aussi vous divulguer l'endroit très précis où nous étions, dans le 18e arrondissement, sur la rue des Abbesses, dans un café qui s'appelle Le Sancerre. T'es ma dose, t'es mon rail, pas ma carrière, mon rose. Sans toi, ma voix s'enraille, c'est grâce à toi que j'ose. Quand train-train déraille, mon cœur plonge dans ta prose. Comédie, tu m'excites et tu remplis ma vie. Comme on dit, tu m'incites à faire naître l'envie. Parfois c'est dramatique, les nuits où t'es parti. Je rempile dans mes tics et je nourris l'ennui. T'es ma dose, t'es mon rail, pas ma carrière, mon rose. Sans toi ma voix s'enraille, c'est grâce à toi que j'ose. Quand mon train-train déraille, mon cœur plonge dans ta prose. Quand patraque, je m'extirpe, t'es ma cam si je craque. Tu fais sortir mes tripes, fous la trique quand j'ai le trac. Un vaccin qui s'agrippe, quand le monde part en vrac. Prends mon humeur en grippe, à la fin de l'entracte. T'es ma dose, t'es mon rail, pas ma carrière, mon rose. Sans toi ma voix s'enraille, c'est grâce à toi que j'ose. Quand mon train-train déraille, mon cœur plonge dans ta prose. C'est debout sur tes planches que l'équilibre se fait. Sinon mes genoux flanchent et mon cœur est défait. Un cheval qui calanche, un prince sans son palais, un cow-boy sans son ranch ou un clown sans son nez. Il manque un peu d'esthétisme. Ah, c'est pas mal, hein? Mais c'est bien, ouais. Oui. Ça, c'est quoi comme... C'est un handicam. OK. Mais j'ai un Tascam aussi à la maison, ici, que j'ai utilisé hier pour enregistrer un spectacle dans un théâtre. Et ça parce est... que je peux mettre des prises XLR. D'accord. Ben, tu connais... Ouais. Un petit peu, mais... Non, ben voyons, des prises avec trois dents à l'intérieur, là. Ouais. Voilà, c'est XLR. D'accord, d'accord. Et moi, j'ai son petit jumeau, parce que... On sait jamais. Moi j'ai un Zoom H4, je sais pas si tu connais. Oui, j'en ai un aussi, mais ça c'est le petit. D'accord, le c'est petit. La version plus petit. Plus petit. Mais j'ai aussi la version que toi aussi. Tu vois quelle année? pas tout jeune. Hein. Genre, j'ai dû acheter ça en 2010 et okay. ça existait déjà. Donc, j'ai deux versions. J'ai ouais. le 2012 à peu près et le 2017. Ah ouais, donc ah ouais, ils ont refait régulièrement. Que, ils... Ben imagine que là, ils sont rendus avec des micros, un micro en boule. C'est-à-dire que, je vais tout expliquer ça, à savoir si c'est parfait, ça. C'est merveilleux. Ouais, micro en boule, c'est-à-dire que, au lieu que ce soit un micro traditionnel, c'est un micro croisé en dessous de la, ouais, ouais. En dessous de la jupette, là, ouais, c'est ça, ouais, exactement. Comme le mien, ouais, ouais. Ah voilà. Mais là, c'est une rondelle. Ouais. Un peu comme un Shure, un micro que tu utilises sur scène. Là. OK. Et la captation est là. Puis il y a aussi la version vidéo audio avec la caméra juste sur le sur la gomme, là, sur la rondelle. Okay. Donc tu peux filmer la personne, tu fais ta mise au point, puis après ça, ben, tu pars et tu peux parler puis voir la personne. Ça, et du coup, c'est léger? C'est léger, c'est en euros, c'est 300 euros, tandis que l'autre, sans caméra, c'est 200. Juste pour enregistrer? Oui. Ouais, c'est pas cher, en fait. Ben, c'est pas cher, mais c'est encore beaucoup moins cher. Ouais. Ben moi, je me souviens plus comment j'ai payé mon Zoom, mais c'était pas cher. Ah, ben, à l'époque, non. Ouais. Ah. Je sais plus comment j'ai payé, mais... Ben, moi, je l'ai acheté, je les prends rarement, je les prends usagés. Ouais. Ça vaut la peine. Ouais, ouais, ça vaut la peine. Ouais, ouais, ça mais va. C'est parce que le problème, c'est que les cartes aujourd'hui sont plus grosses. Donc, il faut qu'ils acceptent les 32 gigs ou des trucs comme ça. C'est ça, ça ouais, voilà. D'accord. Ouais. Ouais, parce que toi, en plus, t'as besoin de stocker pas mal de. Ben non, parce qu'à chaque fois que je fais des rencontres, quand j'ai 5 minutes, je m'en vais à l'hôtel qui est juste ici, une auberge de jeunesse, okay. et je transfère dans un ordinateur. D'accord. Parce que je veux pas perdre. Eh ben ouais. Hein, ben puis ouais. j'ai même. Comme je suis un être qui. Qui croit pas trop, quelquefois, en informatique, j'ai même un disque dur externe. On ouais, sait jamais. Tout stocker, ouais, c'est arrivé. Ça. Ben, je serais comme toi parce que j'aurais peur aussi. Ah, mais parce que je pars de loin, moi, là. Ben oui, c'est ça. Ça mais tu m'étonnes. Pas oublier, c'est ça. Tu pourrais presque te les envoyer. Oui, oui, oui. Oui, ben, oui, parce que j'ai un disque dur virtuel. Ouais. Donc, je peux envoyer ça là-dessus. Ouais, ouais, et je ouais. préfère encore mon disque dur parce que c'est long. Hein. Puis, ouais. je suis pas sur un réseau assez bâclé. C'est l'auberge ah ouais. ici en bas. Là. D'accord. Donc, c'est pas de la haute vitesse. Tout le monde est branché là-dessus. Okay. La sécurité, je suis pas certain. Donc, ouais, du coup. Ah, ben, je suis heureux de te rencontrer. Et ben, moi aussi. C'est chouette. Puis, toi, tu fais partie de. En fait, tu es un musicien, chanteur, comédien. Alors, moi, au départ, vraiment, je suis comédien. Oui. Mais j'écris. Oui. Et donc, depuis toujours, j'écris. Je suis vraiment amoureux des textes. Oui. En chanson française, c'est vraiment. Ça m'a bercé, ça m'a fait grandir. Et. Tu écoutais quoi? Oh, j'ai écouté tellement de gens que c'est difficile, mais je peux tout de suite, ce qui me vient, c'est Brassens, parce que au niveau écriture... On a parlé de Brassens hier avec Sarclo. D'accord. Sarcloret. D'accord. Ouais. Brassens aussi, Serge Reggiani, ah, Jean ouais. Brel... Ouais, bah ouais, tous ces gens-là. Bah, c'est marrant, Reggiani, c'est aussi quelqu'un... Bah, lui, en fait, il chantait pas mal de textes qui étaient écrits par d'autres. Ah ouais, c'est pas lui qui a écrit. Mais il était comédien comme toi. Il était comédien, donc ouais. C'est... Ouais, ouais, c'est vrai. Et comment dire, il avait une interprétation incroyable, ce gars-là. C'était dingue. Mais oui, donc, ouais, Higelin, je pense à Higelin aussi, parce que c'est vraiment un mec qui m'a... Ouais, enfin, c'est comme des grands frères. Mais encore là, Higelin, il était comédien aussi. Eh oui, oui. Eh oui, c'est vrai. Eh oui. Eh ouais. Mais il y a un lien avec le théâtre, de toute façon, oui, oui, oui, oui. évident. Et... je pense à Bachoum. Alors Bachoum, lui, c'était plus pour moi un peintre oui. Qui faisait du collage un peu. Ah, ouais, ouais, ouais, ouais. C'est hallucinant, ça. Un environnement sonore. Un environnement sonore. La fin de sa vie, c'était exceptionnel. Tu l'as vu sur scène? T'as eu l'occasion? J'ai tout vu. Ok. J'ai tout vu en vidéo, mais je l'ai vu aussi à Montréal. Ah ouais, bah Carte ouais. blanche à Montréal. Il avait invité le premier soir Diane Dufresne okay. avec ses artistes. Il y avait Yann Péchin, tout ce monde-là, okay, okay. Et je l'ai rencontré le soir après. Il y avait Robert Charlebois, okay. Yann Perrault, un peu chanteur que tu connais peut-être. Non, non. Ça me dit rien. Mais en tout cas, Robert Charlebois, tu connais. Charlebois, bien bon, sûr. Voilà, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Donc, il avait fait avec Diane Dufresne, Oxygène. OK. Et puis, mais il faisait juste les voix, puis il faisait aussi, il faisait un peu la trame narrative de ce que Diane Dufresne chantait. D'accord. Donc, mais c'était magistral. Il faisait les grands espaces aussi. Mais je crois que ce qui a clôturé, c'est les grands espaces. Hein, ça, c'est beau, hein? Ben oui. Ah, mais j'ai eu l'occasion de le voir au Bataclan. Oui. Et c'était sur son album, la sortie de l'album Bleu Pétrole. Oui. Ah ben là, il était malade. Et alors non, c'est pas Bleu Pétrole, c'est celui d'avant, je pense. Celui d'avant, c'est L'Imprudence. L'Imprudence, ouais. Non, mais c'était Fantaisie Militaire, peut-être, qui chantait le et plus. Et là, il y a Fantaisie Militaire, après ça, il y a... Il y a L'Imprudence. L'Imprudence, ouais. Et après, Bleu Pétrole. Je sais plus, du coup... Mais est-ce qu'il avait encore ses cheveux? Ben ouais, je crois qu'il... Non, mais c'est pas Bleu Pétrole. Ben ouais, ça peut pas être Bleu Pétrole. Non, je sais que la tournée de Bleu Pétrole, il avait le chapeau. Oui, ouais, je l'ai à pas la Cowan, à la Leonard Cowan. Ouais, ouais, la classe jusqu'au bout, le mec. Quoi. Ouais, et, ouais. Et lui, ouais, pour moi, c'est un mec qui fait du collage, ouais. Tu vois, comme les artistes qui font du collage. Il est aussi comédien. Il a joué dans quelques films, Alain Bachelot. Ah, c'est vrai. Ben ouais, oui, dans 5 films. Ouais, ouais, il y a un film où il joue, il donne la réplique à Arnaud, je sais pas si tu l'as vu. Oui, ce film. Oui, ben ça, exactement. Ils l'ont fait aux États-Unis. Aux États-Unis, c'était Tom Waits avec. Oh, déjà, Tom Waits, pas mal. Je me souviens plus de l'autre. Mais dans le même style, là. Ah, ouais, c'est. Tu veux dire que c'était version. Une version ouais, Gangster, c'est pas ça le film? Oui, oui, ah, oui, mais ça, ouais. C'est inspiré parce que c'est 3 sketchs. Ok. Ah, c'est ça, hein, Gangster, c'est 3 sketchs? Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'était Tom Waits et l'autre. Donc. Ben, en tout cas, c'est Arnaud et Alain Bachon qui se rencontrent dans une toilette. Hein, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et lui dit, tu m'as piqué. Oui, oui, oui, oui, Gabi, c'est bon. Je crois que c'est dans les 3 courts-métrages, c'est le meilleur. Ouais. Parce qu'on attend quelque chose des deux. Puis c'est quand même le même univers, c'est la même... C'est ça, ouais, c'est deux mecs qui sont dans un univers complètement dingue, qui se donnent la réplique. Et, ouais. Et c'est incroyable, c'est vrai que ça m'a marqué ça. Et donc ouais, bon, c'est beaucoup de les auteurs qui sont des références pour moi, c'est des grosses pointures. Ouais. Donc voilà, ouais, je me sens tout petit à côté d'eux, mais voilà, c'est des gens qui m'ont inspiré, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Est-ce que c'est arrivé comme ça par hasard? C'est des rencontres? Étant donné que j'aimais beaucoup écrire, et à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais bien en faire quelque chose de ces textes. Et je faisais un petit peu de guitare, mais vraiment... Ouais. Et puis j'ai fait une formation. Donc j'ai un peu progressé en guitare. Et en fait, ce qui a déclenché le truc, c'est la rencontre avec Manon. Ouais. Donc, puisque dans le groupe, il y a Aldo, Manon et moi. Mmh. Manon, t'es auteur, compositeur, interprète. Ouais, et Manon est, on va dire, lead interprète, ouais. Compositrice, pianiste, multi-instrumentiste, c'est dur à dire. Oui, oui. Et Aldo, lui... Bonjour. Je vais prendre un café et un verre d'eau. Un café et un verre d'eau. Avez-vous du jus de fraise ou quelque chose qui ressemble un peu à ça? Jus de fraise... Non, il me semble que non, pas de jus de fraise. Non. Jus de fruits rouges, à base de fruits rouges. Bon, il n'y a pas on a des cocktails, mais pas des jus en fait. Ok. Mais des jus, qu'est-ce que c'est un jus? Abricot, pomme, orange, ça reste très classique. Tomate, ananas. Non, il n'y a plus d'ananas, pardon. Orange, s'il vous plaît. Orange, ouais, s'il vous plaît. Ok, et un café. Et un café, ouais, merci. Et ouais. Ouais, donc, et Aldo, le troisième, est saxophoniste, flûtiste, multi-instrumentiste. J'arriverai non, jamais à le dire. Multi-instrumentiste, mais non, mais c'est compliqué, c'est vrai. C'est chiant à dire. Oh, multi-instrumentiste. Et voilà, et en fait, donc au départ, c'est Manon et moi, on se rencontre. Ok. Et puis, je lui parle d'un recueil que j'ai de textes. J'appelle ça des textes à chansons, parce que c'est parfois couplet-refrain, mais parfois ça ne l'est pas. Et elle me dit ouais, j'aimerais bien le lire. Elle le lit et je sais pas, le lendemain elle m'appelle et elle a vraiment été touchée par ses textes. Et on se voit et en fait en discutant avec elle je me rends compte qu'elle sait exactement à quelle page il y a tel truc et tout, c'est assez incroyable. Elle a vraiment lu le manuscrit d'une façon très engagée quoi, on va dire. fait peur quand toi tu m'accapares. Même si je sais qu'au pire ce n'est qu'un jeu qu'on perd. T'es ma petite peur, mon frère, mon repos, mon repère, mon compas, mon empire, mon copain, mon vampire, mon père ou mon compère. Quand tu me récupères, j'ai besoin de toi, ma petite peur, toi qui pousses comme une fleur, mais t'empêches de grandir les flots, j'ai du désir, air folle qui défoule, et font gronder la houle, et font gronder la houle. Mais c'est bien moi qui ai peur, et mon cœur te veut pour que tu me mettes à part. Tes confrères qui m'entourent, puisque tout nous sépare, que mon corps à son tour cherche l'air pur et part ailleurs pour faire un tour, en paire de mes soupirs, sans peur qu'on se reproche, ne me fais pas croupir. Quand en moi tu t'accroches, t'en fais pas, ma petite peur, je t'arroserai comme une fleur, mais laisse un peu grandir les ronces crasses du désir. Herbe folle qui défoule, et font gronder la houle, et font gronder la houle. De l'or dans les mains, ils voient la mer noyer leurs yeux. Ils creusaient dans l'art le moyen de fuir la mort, de rire des dieux. Des dents longues les alignent loin de la mer câline des cieux. Le vent souffle si souvent, si doux, si délicieux. Allez savoir comment cet air n'est pas pour eux. Les grands sifflent devant, applaudis par ceux du milieu. Et les petits décevants, eux, restent dans le creux. Des airs arides du désarroi, dans des rades durant des heures, d'ourir et rideaux odorants, les yeux se déridant dardard, les désespérés prennent des rides près du jardin des hespérides. À chaud dans leur choix, ils échouent, chaud vivre au fond, faut vivre avec. Ils ne sont pas nés dans les choux, disons qu'ils sont nés dans l'échec. Leur désir profond se dissout, sitôt que se profile une crête. Le vent souffle si souvent, si doux, si délicieux. Allez savoir comment cet air n'est pas pour eux. Les grands sifflent devant, applaudis par ceux du milieu. Et les petits décevants, eux, restent dans le creux. Ils ont tant de cordes à leur arc que le jour venu ils se tendent, ne sont jamais prêts à leur hache comme vous pouviez vous y attendre. Vous les verrez vers à la main, rêvant de dévorer demain. Le vent souffle si souvent, si délicieux, si doux. Allez savoir comment cet air n'est pas pour nous. Nous, les petits décevants, nous restons. ça lui a donné envie du coup qu'on, bah, qu'on bosse ensemble. Okay. Et elle a proposé à Aldo qui est son papa. Ok, alors c'est le groupe qui s'est formé comme ça. Et le groupe s'est formé comme ça. Mais pourquoi parce que c'est pas un nom quand même traditionnel. Le nom du groupe? Oui. L'oreille fougueuse de la voisine. Oui, oui, oui. Alors en fait, pendant tout le temps, on a fait l'album. Donc le cahier des charges, c'était de faire un album. Okay. On est parti là-dessus. Mm-hmm. Et après, on allait voir pour la scène et tout. Okay. On a fait ça dans ce sens-là. Et en fait, on cherchait un titre, un nom de groupe. Et on ne trouvait pas, et puis quelqu'un, je crois que c'est Manon qui disait, à mon avis, on va le trouver dans le recueil. Ok, Et vous allez trouver quelque chose qui va comme apporter le nom du groupe. Exactement. Okay. Et c'est du coup, en ayant ça un peu en tête, en laissant cette fenêtre ouverte, merci, je sais qu'un jour, j'ai... Souvent j'arrivais avec des propositions puis les gens faisaient ouais. Et puis un jour j'arrive en disant l'oreille fougueuse de la voisine et là j'ai senti un silence et dans les yeux un truc qui faisait et voilà donc c'était ça collait. Okay. Alors c'est né comme ça. C'est né comme ça et donc c'est vraiment dans une des chansons la chanson Toi. Qui raconte le parcours d'un chat en fait qui fait une fugue. À un moment donné, il parle de l'oreille fougueuse de la voisine. Okay. Et donc c'est. Et le travail se fait comment? Est-ce que c'est toi qui amènes des textes et eux collent? Alors en fait, concrètement sur cet album qu'on a fait, c'était j'arrive avec des textes et au feeling chacun. S'empare d'un texte qui lui parle et fait une proposition et on s'impose rien en fait. Donc il y avait plus de textes que... Là dans l'album il y a 15 titres. Est-ce que tu as eu l'occasion de l'écouter ou pas? Oui, j'allais écouter. Ah, okay. Oui, oui. Et en fait il y en avait plus, il y avait plus de textes et j'ai bien aimé ça, c'est que c'était... On sait pas ce que ça va devenir, on sait pas quels textes vont être entre guillemets mis de côté, tu vois. Voilà. Mais sur scène, est-ce que ça donne place à de l'improvisation ou si c'est très cadré, très... Alors pour l'instant sur scène, c'est très très très frais. On a fait une scène où on était invité par d'autres artistes. C'était assez magique pour nous ce moment-là parce qu'on a fait deux titres et l'accueil du public était très chaleureux. C'était très émouvant. Et après, on a... grâce à Manon, on a eu aussi une sorte de carte blanche avec un autre artiste, Étienne Luneau. Ouais. Et donc on a partagé la scène avec lui. Et là, on n'avait tellement pas le temps de répéter, de se voir avant, qu'on a fait un peu comme on a pu. Moi, vous êtes habitué de travailler ensemble en studio, donc... Ouais, on se connaît voilà, bien, on a tous un peu l'habitude de la scène et tout. Moi en tant que... Moi je me considère plus comme l'auteur du groupe, tu vois, et je m'empare de certains textes, et je joue un peu de guitare, et je compose un petit peu, mais la partie musicale c'est plus Aldo et Manon, tu vois. Et notamment Manon a beaucoup arrangé les morceaux pour la scène. Je rêve ou il se met à pleuvoir? Ah ben c'est juste un nuage parce que c'est bien ici. Mais on a un arbre donc mais si tu veux on peut se déplacer. Moi ça va pour l'instant. Ah moi aussi, il n'y a pas de problème. C'est pour tes micros? Ah non, aucun problème. Ok. Donc mais ça ne durera pas. Ce qui me fait rire, regarde, c'est tout le monde part. Ben ouais, et nous, on reste. Ouais, ouais, on reste. En plus ça va diluer le tout. Donc c'est ça, sur scène, c'est quand même. La Genèse, c'est pas la Genèse, mais c'est tout récent, tout nouveau. Ouais, c'est tout nouveau. Et après, du coup, d'avoir vécu ces moments sur scène, moi, ça me donne envie d'avoir une résidence et proposer un truc plus chiadé, tu vois. Okay. Avec... Être ensemble. Comment ? Être ensemble. Être ensemble, éventuellement avec d'autres musiciens, et puis d'avoir un fil avec du texte, okay. Tu vois. Okay. Entre les morceaux, vraiment... Mais comment le son s'est proposé? Est-ce que c'est arrivé tout seul ou tu avais déjà une idée? Alors, pareil, c'est vraiment... on se fait confiance et on voit quoi. Et comme on est trois, ben, à force de bosser, tu vois, on a mis du temps à le faire cet album. On a commencé on a mis 4 ans. Pourquoi? Parce que on voulait... on avait très peu de moments où on pouvait se voir. Ok. À cause du fait que... Qu'on elle... bosse tous à côté. Ok. Et alors, tu vois, par exemple, là, Manon, elle m'a laissé un texto, ouais, je pourrais pas venir. Elle est naze, elle a fait des représentations avant Avignon, en pleine canicule, ouais, tout ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Mais elle est à Avignon avant elle, Avignon. Elle part demain. Ok, ok. Bon. Elle part demain et... non, c'était pas Avignon, c'était je sais plus où. Parce que ça commence demain. Ça commence demain, ouais. Ouais. Mais elle joue deux spectacles là-bas. Ok. Tu vois. Et c'est fou. Donc, comme comédienne et elle est pianiste aussi dans un autre truc. Et non mais même dans les deux en fait elle est musicienne aussi parce que c'est avec les Épinoirs, je sais pas si tu connais un des spectacles. C'est un groupe de musique qui fait du théâtre. Ok, ah oui, du théâtre chanté. Ouais. Okay. Et là ils font un spectacle sur l'histoire de France. Ah oui. Voilà. Donc, alors c'est historique. Ouais. Ok. Ouais, et c'est vrai alors. Ouais, ils partent de faits réels. Alors, je sais pas comment ils le traitent, je l'ai pas vu, mais je pense qu'il y a beaucoup de. Ok, et puis ils vont chanter du réel. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Okay. Je sais pas, peut-être. Et toi, qu'est-ce qui t'amène à écrire? Qu'est-ce qui t'amène à prendre le crayon? Honnêtement, c'est comme si je pouvais pas faire autrement. Dès que j'ai une émotion, faut que ça passe par l'écriture. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire en fait, vivre une émotion forte, qu'est-ce que j'en fais? C'est par le stylo quoi, c'est par ce... Mais pourquoi ça s'est concrétisé dans une chanson et non pas dans des nouvelles? Parce qu'on fait beaucoup de nouvelles, c'est vrai, tu as raison. Parce que, je pense que c'est tout simplement parce que je suis complètement amoureux des chansons et... Tu voulais laisser ta trace musicale? Sans être... Laisser une trace, je sais pas, mais en tout cas, cette forme-là, pour m'exprimer, est vraiment la meilleure. Okay. Parce que j'ai essayé d'écrire... j'ai écrit un roman qui est pas bien, mais je l'ai fait, quoi. Je voulais... Enfin, qui est pas bien, ouais, je l'assume pas. Ok, ok. Mais ouais, cette forme-là, je pense que ça me convient bien. Parce que c'est court. Ouais, faut aller... C'est narratif et musical. Ouais. Et puis il faut aller droit quoi. Faut choisir du coup vraiment le mot qui va avoir l'écho exact pour. Enfin je sais pas. Ouais. Tu sais c'est comme ça me fait penser à la BD, j'adore la BD. Okay. Et je suis toujours impressionné, quand j'étais gamin, quand je lisais Gaston Lagaffe, en si peu de cases, ce qu'il pouvait raconter quoi, c'est. Mais si les mots le disent pas, la photo, le dessin va le dire. Exactement. Donc faut pas être redondant souvent aussi. Hein, si on est dans l'action, on va pas parler de. On le voit donc. Exactement, c'est ça qui est chouette, ouais. T'as pas le droit à la redondance, ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Et toi, le travail de musicien, c'est quand même quelque chose que tu connaissais, mais pas trop. Je suis vraiment. Je me considère pas comme musicien en fait. Ok. T'es autodidacte? Autodidacte avec une petite formation assez longue quand même, mais où j'étais complètement largué parce que j'avais des cours de théorie, harmonie et tout ça. Trop en fait, mais pas grave, j'ai pris cette année pour progresser techniquement. Et après moi je bosse plus à l'instinct, la théorie, l'harmonie je l'ai oublié quoi. C'est bien ça, Mais sur scène éventuellement, est-ce que vous voulez suivre une trame mais aller dans l'improvisation musicale? Non, je pense pas, je pense pas que ce soit l'orientation, je pense pas. Ok, vous voulez vraiment... être encadré dans quelque chose et... Ouais, on aimerait faire vivre ce qu'on a créé en album. Comment le faire vivre sur scène? Comment faire quelque chose d'intéressant sur scène? Mais allez-vous pouvoir vous rencontrer plus souvent? Eh ben, on va voir. C'est ça le problème, hein? C'est exactement la problématique, mais... Après, il y a aussi Manon qui a une adaptation solo, piano solo, qu'elle travaille, et il y a aussi ça, tu vois, qui peut permettre que les chansons existent. Mais toi, tu penses-tu faire aussi cavalier seul? Non. Non. Tu as besoin des autres? Tu te sens plus à l'aise en groupe? Ouais, pour moi... Ouais, non, alors là, je me sentirais pas là de partir seul avec mes... Ou alors, il faudrait que ce soit plus... un truc un peu plus dit, un peu moins... Récité, ouais. Ouais, voilà. Musique, texte, peut-être, narration. Ouais, voilà. Là, d'accord. C'est vrai qu'à un moment donné, je pensais à ça aussi, mais... Mais voilà, comme là on a vraiment créé cet album avec l'oreille fougueuse de la voisine. j'ai plus envie de défendre ça que de penser à autre chose. À faire un truc seul. Enfin, toi, c'est pas, pour moi, c'est pas à l'ordre du jour. Errance rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. Un cri sans rire, la noirceur du jour. Dans nos yeux je voyais briller de la complicité. Mais elle, voyez-vous, ne broyait que la complexité. Les filles difficiles de savoir pourquoi elles veulent, elles veulent, elles veulent pas. Les filles des princesses, la délicatesse, elles en veulent, elles en veulent, elles en veulent pas. Elles vous trouvent so nice, hyper drôle. Darling, you're so cute. Bing, prends dans ta face un uppercut. J'avais envie que l'on se tire et qu'on se tire vers le haut. Je vois, devine qui, m'a dit Vinky, se tire. Allons, ciao. Ciao. Accaparante, pas cap d'erré. Elle n'ira pas sur une île avec moi. Un cas à part, l'hilarante m'aura captivé pour des mois. Les filles difficiles de savoir pourquoi elles veulent pas. Les filles des princesses, la délicatesse. Elles en veulent pas. Elles vous trouvent so nice, hyper drôle, darling, you're so cute. Bing, prends dans ta face un percute. Mais autant de temps à prendre un album, est-ce qu'il y a des choses que tu as travaillé davantage? Quand c'est long avant de mettre au monde une œuvre, il y a peut-être il y a d'exclusion de mots, de musique. Comment ça se passe? Pourquoi ça a pris, pourquoi ça a pris autant de temps? Alors, est-ce que c'est l'argent? Souvent, c'est l'argent. Alors nous, c'est vrai qu'on a fait ça sans argent. Mais c'est surtout que on avait des... Sur un an, si tu veux, il y a des mois où il y en a un qui n'était pas dispo. Ah, c'est ça le problème. Après, un qui n'était plus dispo. Et à trois, comme on avait des emplois du temps assez chargés, on dit quatre ans, mais c'est pas vraiment quatre ans, si tu veux. Et après... Mais les textes sont restés comme ça, c'est pas ça qui a... Mais en fait, la matière première qui était... Le livret était là. Voilà, le livret était là. Et après, la musique, ça allait assez vite, en fait. Et il y a très peu de choses qu'on a rejetées. Mais c'est parce que le problème, c'était de rencontrer tout le monde ensemble. Ouais, c'est ça. Ça a pris 4 ans parce que c'était long. Parce que c'était ça tout le plus dur. Tout le monde était occupé. Tout le monde était occupé et Aldo et Manon, je crois qu'ils ont des emplois du temps encore pires que moi, quoi. C'est vraiment des emplois du temps de ministre, quoi. Et, okay. Et après, si tu veux, moi, je suis un contemplatif, donc je me ménage des temps pour écrire, justement. Mm-hmm. J'ai besoin de ça. Mais merde, je sais plus ce que je voulais dire, mais... Par rapport au temps, oui, il y a eu aussi des moments où on pouvait bosser chacun de notre côté. Okay. Et arriver avec quelque groupe, chose. Avec quelque chose, voilà. Et là, le groupe dit « Ah oui, on l'accepte, celui-là, ben non, pas ouais, de ouais, ouais, c'est ça. Et tout ce temps-là, ça prend du temps, mine de rien. Oui, c'est là, vrai. Tu pars sur un morceau, on est parti sur une version au piano pendant pas mal de temps, puis après, en fait, c'est finalement, c'était à la guitare, tu vois. Ah ouais, et tout ça, ça prend du temps. Ça avait enveloppé la chanson. Ouais. Ouais, enveloppé, ouais, exactement. Ouais. Est-ce que c'est beaucoup de travail? Est-ce que tu croyais que c'était plus facile que ça d'écrire une chanson? Ou si tu t'es rendu compte que c'est une complexité? Alors, écrire une chanson, quand tu dis écrire une chanson, avec la musique? L'ensemble, oui. Ah oui, l'ensemble. C'est quand même quelque chose. Hein? C'est quand même quelque chose. Après, moi j'écris depuis toujours et je joue un peu de guitare, j'ai toujours des petites propositions, mais de là à vraiment... faire une proposition qui tienne la route, c'est long, ouais. Mmh. Enfin, en tout cas, mais ouais, c'est, enfin... Ce qui se passe dans ta tête quand tu écris jusqu'à ce que tu l'as sur... tu sais, à un moment donné, tu l'as sur ton disque, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même lien? Le fait d'Ariane est le même? Ou c'est une modification... étonnante? Parce que l'idée que tu avais, c'est pas vraiment ce que tu as eu sur disque. Ouais, il peut y avoir des surprises comme ça. Il peut même y avoir des idées que je pouvais avoir sur des textes. Et c'est parti sur un truc qui n'a rien à voir. Et ça me fait entendre le texte différemment. Ok. Donc ça, c'est chouette. Ouais, ouais, ouais. Tu te réappropries tes textes, mais d'une autre... Ouais, ouais. Parce que Manon, qui est celle qui chante le plus sur l'album, a vraiment ressenti les textes à un endroit à elle, quoi. Et donc ça fait. Et ça passe aussi, c'est le côté féminin du groupe. Exactement. Voilà. Et c'est marrant, moi je me suis toujours dit que je voulais écrire pour des femmes, en fait. J'aime bien, d'ailleurs, j'aimerais bien écrire pour d'autres artistes femmes. Et voilà. Donc ça a du sens pour moi. Et frappe-tu ou pas? Eh ben, pas trop, non, mais tu poses des bonnes questions, je crois. Ouais, ouais, faudrait que je... Ouais, en plus, il y a plein d'artistes que j'aime bien. Qui? Camélia Jordana, mais elle écrit ses textes aussi. Ouais. En fait, souvent, celles que j'aime, elles écrivent leurs textes, et elles écrivent très bien, donc c'est compliqué, mais Camille, je pense à Camille. Ouais, j'ai 30 ans. Bah elle fait partie des monuments pour moi. Elle flirte très très fort avec la poésie. Elle est dans l'astral. Ouais. Ah ouais, carrément. Ouais, incroyable cette femme. Ouais, incroyable. Ouais. Est-ce que ton écriture change avec lorsque tu lis les écrits que tu as fait au début jusqu'à maintenant? Vois-tu qu'il y a quand même un fil d'Ariane, ou si tu vois une évolution ou... Je pense, ouais, carrément, parce qu'en fait là... Quoi, c'est plus une évolution ou un fil d'Ariane En fait, c'est une façon d'écrire qui va vers une forme un peu différente. C'est de plus en plus des textes à chansons et de moins en moins des couplets-refrains. Okay. C'est quelque chose qui m'attire plus. Mais je me suis jamais obligé quoi que ce soit, tu vois. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que la chance qu'on a quand on écrit comme ça... sans attendre. Voilà. Et bah, c'est dans les rangs. On fait ce qu'on veut, quoi. Ouais. Après, j'ai eu l'opportunité d'écrire pour une amie pour un spectacle. C'était une commande, en fait. Okay. Et j'ai aimé ça, c'était chouette. Et c'est t'as écrit pour une femme. Et c'était une femme. Voilà. Et après, c'est un texte que j'interprète, moi, dans... C'est Quand je rêve, je sais pas si tu... C'est le dernier morceau. Ah, ok. Piano. Ok. Voilà. C'est assez onirique. Et elle faisait un spectacle qui parlait de ça, justement. C'était un personnage dans un lit et c'était autour du rêve. Et donc, elle m'avait dit, est-ce que tu pourrais m'écrire un truc là-dessus? Et voilà. Et donc, t'as écrit pour une femme? Et j'ai écrit pour une femme. Et surtout, j'ai écrit en ayant une commande et... Aimes-tu ça, les commandes? Et j'ai adoré faire ça, parce qu'en fait, le soir même, bam, j'avais plein de matière. Et... Ah, mais là, il faut épurer, c'est ouais, ça le drame. Ouais, après, il faut épurer. Ouais, là, en l'occurrence, c'était ça. Ouais. Et c'est là le travail. Ouais, le travail commence là, une fois que t'as la... Mais c'est pas le plus dur, je trouve. Mais, okay. Mais après, c'est marrant, enfin, en tout cas, moi, la façon dont j'écris les chansons, il y a un moment, je sais que c'est terminé, quoi. Le point final, ça met tout seul. Ouais. On peut plus aller plus loin. Ouais. On peut modifier peut-être le corps, le début, mais... Exactement, ouais, ouais. Mais après, sinon, tu... faut que ce soit terminé. Sinon, il y a la redondance. Ouais, voilà. Ouais, c'est marrant, tu reparles de la redondance, mais je crois que c'est vrai, t'as raison, c'est... Sinon, ouais, tu rechanges un truc, tu rechanges un truc, et puis... Et tu te rends compte, au bout du compte, que tu as changé pour changer, puis ça n'a rien modifié. Ouais. T'écris aussi? T'écris aussi? Ouais, j'ai commencé, oui. Mais est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Alors, est-ce que c'est les idées qui amènent les mots ou les mots qui amènent les idées? Alors, comme moi, je parle d'émotions, de sensations, c'est plus une sensation qui se traduit par les mots. Et... Ouais, je sais pas, je saurais pas comment t'expliquer autrement. Du coup, il va m'arriver un truc qui va me donner envie de parler de telle idée, du coup, de tel thème. Et mais tu parles pas du mot, le mot va t'amener un autre mot, un autre mot, un autre mot, comme le faisait Gainsbourg. Ah oui, J'aime beaucoup Gainsbourg aussi. Moi, je pense que c'est très organique. Okay. Je prends le stylo et j'ai besoin du stylo. Hein. Ok, ouais. C'est marrant parce que des fois, je tape à la machine. Mais c'est mieux l'ancienne époque. Hein. C'est mieux. Mais c'est je trouve ça pas mal. Ouais, mais le contact avec le papier. Ouais. La rayure aussi. La rayure. On biffe, on biffe. Ouais. On peut réécrire sur au-dessus. Puis après ça, oh non, mais le mot qui était biffé est encore plus intéressant. Ouais. Donc, on reprend le mot. Exactement. Et après, quand tu le tapes sur l'ordi, tu peux encore modifier, oui. Mais c'est une étape. Oui, mais j'ai besoin de. Mais stylo, tu sens que quand tu t'en vas avec l'ordi, là, c'est quand même assez bien structuré. Oui, bien sûr. C'est juste des petites virgules, des petites ratures, mais vraiment l'idée centrale est là. Elle est là, ouais. Et il faut pas que tu retouches parce que. Ouais. Mais c'est au moment où j'écris que j'aime bien les sons, donc. Ouais, un mot en amène un autre, en effet. Ah, mais c'est ça. Alors, c'est les mots qui amènent les sons. Mais c'est souvent le son d'un mot qui amène la consonance, le son. La consonance. Chez moi, c'est ça, ouais. Ouais. Mais c'est intéressant. Du coup, je pense jamais à analyser, mais comme toi, tu m'amènes à ça, c'est marrant de prendre conscience de ça, ouais. C'est vraiment un son qui en amène un autre. Mais c'est rare donc aussi qu'on met quand même le côté didactique de l'écriture, on réfléchit sur notre façon d'écrire. On écrit parce que c'est artistique. Il faut arrêter d'analyser. Il y a des gens qui savent le faire. Dis-toi qu'il y a des universitaires qui vont travailler sur tes textes éventuellement, donc eux vont trouver des trucs complètement disjonctés que tu. Mais c'est ça. Allez, c'est peut-être faire parler des choses qui n'avaient rien à dire. Tu sais, on n'a pas à. C'est ça. Là. Faut pas aller chercher trop loin. Exactement. C'est ça. C'est pour divertir. Ouais, tout simplement. C'est pas pour se casser la tête puis de dire que le mot représentait sans doute dans la symbolique. Là, ben voyons donc, c'est pas ça. Là. Non. C'est de voir la personne en avant qui, elle, a du plaisir à entendre une chanson et de. Ouais, non, mais c'est ça. Et tu vois, c'est un jeu, ça reste un jeu, effectivement. Ouais. Cela passe et ça passe et si il m'a fait ci, il m'a fait ça. C'est face ici, c'est face ici. Et sa paresse le laisse assis. Ah s'il savait ce qu'il m'agaça. Je lui ai pas dit mais je le maudis pour tous ces mots qu'il me dit pas. Bah oui mais dis on est amis, pourquoi t'as misé nos émois? Ça t'amusait nos misères dis le jour où t'as misé sur moi. L'amitié est un miroir, parfois dur à faire briller. Tout peut se briser un soir et les éclats blessé. C'est mon copain, mais la capa me fait récopier de ses tracasseries. Ça m'accapare, ça m'accapare. Ah, rappelle-toi quand on était petit. Si tes capes remets la capa, ton cou, coupons les apparats. Les piques ont succédé au toc, nos calumets cédaient au tac. Sous des soleils luisait l'équipe, sous des confondés à l'époque. Seul au fond des mémoires opaques, les souvenirs coulent, on écope. L'amitié est un miroir, parfois dur à faire briller. Tout peut se briller. C'est un soir et les éclats peuvent blesser l'amitié. Tout peut se briser un soir. C'est marrant, hier j'écoutais dans le train, je réécoutais Aucun Express, je sais pas si tu connais cette chanson. Oui, de Bachung. De Bachung, et c'est incroyable comme il y a des. Il nous laisse imaginer ce qu'on veut. Il nous laisse voyager. C'est vraiment la force de Bachung. Et après, lui, il travaillait avec Jean Faux, avec plusieurs auteurs, mais Jean Faux. Et quand je dis un artiste qui fait du collage, c'est que pareil, avec les mots. On lui fait des propositions et il va choisir dans l'album Bleu Pétrole, il avait changé autre chose, le Bleu Pétrole. Ouais, mais il y a un auteur qui lui avait écrit des angles un peu noircis et il a mis des ongles un peu noircis, tu vois, il a juste mis un O à la place du A. Okay. Et ça raconte autre chose. Et ça, c'est Guetta Pucel qui a écrit ses textes. Oui, il a bossé avec. Sur Bleu Pétrole, il y a beaucoup d'auteurs. Ouais, il y a Gérard Manset aussi. Gérard Manset, ouais. L'homme qu'on n'a jamais vu. Ouais. Et ça, j'aime bien aussi, ça. Ce projet-là qu'il a, lui, je trouve ça chouette. Ben là, il s'est tiré dans le pied, ce beau. Ah ouais? Parce qu'en voyant Vachon avec les grands espaces, il a voulu monter sur scène. Mais comme il s'est fait oublier du public, le public ne le voit pas, là. Ah, donc, il n'a jamais pu mettre en pratique son rêve d'aller sur scène. Parce qu'il disait que voir un artiste chanter sur scène, c'est comme aller au jardin zoologique. C'était sa vision à lui, mais quand il a vu Bachon, il dit oh non, là, je change d'idée. Mais il était peut-être trop tard. Là. Il est rendu quoi, 60 et. Ouais. 70. Ouais. Il vient de sortir un nouvel album. Ouais, j'ai cru entendre. T'as écouté? Oui, il y a un titre qui sort du lot, sinon c'est un peu du Gérard Manset. Mais dis-toi qu'il va retravailler ses textes-là parce qu'il fait une chanson puis il peut faire 25 versions dans toute sa vie. Ouais. Mais c'est, lui, ça fait partie aussi des êtres intéressants, obscurs. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et toi? Oui, vas-y. Non, excuse-moi. Non, j'aime bien sa démarche. Gérard Manset, mais on l'oublie souvent. Hein. Ouais, tu vois, on pense pas à le citer. C'est comme Yves Simon. Ah, Yves Simon. Bah, lui, il a arrêté parce qu'il en avait marre du pouvoir. Ça, c'est en 70, il y a fait trop de spectacles, il en avait un ras-le-bol. Moi, j'ai entendu dire que ça l'effrayait de se rendre compte du pouvoir qu'il avait sur scène. Qui pouvait dire un truc, tout le monde allait faire ouais. Ah ouais, et okay. ça ah ouais. Et toi, c'est, en écoutant de la musique, la crainte, est-ce que c'est de faire de la redite sur les gens que tu aimes ou, J'y pense pas. Voilà, okay. Et après, si tu veux, au début, quand je disais mes textes, les gens me disaient que ça faisait Gainsbourg, parce que j'ai une voix un peu nasale. Okay. Et les morceaux de Gainsbourg, quand ils parlent, tu vois. Ah ouais. Et donc, je pense qu'inconsciemment, j'avais Gainsbourg en tête, quoi, si possible. Sans le vouloir. Sans le vouloir. Et, et du coup, je suis très vigilant par rapport à ça. Et grâce à Aldo et Manon, sur l'album... Pourquoi j'aime ça? Parce que mon mort. Ça, c'est radiophonique, c'est merveilleux. Ça, pour toi, on garde. On garde tout ça. On vient de parler de Gainsbourg, il y a un mec bourré qui passe, c'est bien. Et faire attention à... j'ai appris à essayer d'être plus près de moi quand je dis un texte, mais encore une fois, je bosse, quoi. Je me sens tout neuf dans l'interprétation. Alors que l'écriture, je le fais depuis longtemps, je me sens plus à l'aise, on va dire, tu vois. Mais il y a un gars derrière. C'est la suite. C'est la suite. La suite de la fuite. Est-ce que c'est beaucoup de travail d'écrire pour toi ou si ça vient de... Alors, qu'est-ce que tu veux dire par beaucoup de travail? Est-ce que pour toi, c'est une besogne ou c'est un plaisir? Ah, c'est un plaisir. Okay. C'est un plaisir. Et ça doit rester ludique? Ouais, parce que je l'envisage comme ça. Et... c'est jamais au moment où il n'y a pas de logique, en fait. Les moments où j'écris, il n'y a pas de logique. Okay. Mais justement, je me laisse libre d'avoir des périodes où j'écris plus que d'autres. Et c'est à quel moment? Eh ben... Écris-tu plus le jour, le soir, le matin? Alors, ou c'est jamais pareil? C'est jamais, quand l'inspiration arrive, t'es là? C'est jamais pareil, mais plus le soir, quand même, j'ai l'impression. Et... souvent, après avoir vécu des moments où j'étais en connexion avec la nature, parce que je vais beaucoup marcher, j'adore ces moments-là où je suis juste dans l'instant. Je trouve ça dur de le faire en ville. Et dans la nature, t'es là, tu te prends une claque à chaque pas. T'as des tableaux des tableaux vivants, quoi, face à toi. Je me suis toujours dit qu'il n'y avait pas un artiste qui pouvait faire un truc aussi beau que ce qu'on voit, tu vois. C'est dingue, hein. Et donc, après ces moments-là, ça me nourrit beaucoup. Et après, si je reviens en ville, je suis imprégné de ça. Et tu veux garder cet instant-là. Voilà. Et par contre, j'aime bien écrire en ville. OK. Ouais, devant la cohue, devant le stress, devant l'excitation. Ouais. Le calme intérieur se propulse à travers l'écrit. Ouais, exactement. Ouais. Et est-ce que la musique, quelquefois, te motive à écrire des textes ou si c'est les mots qui t'amènent la musique? Alors, pour l'instant, ça a toujours été dans le sens mots et après musique. Donc je connais pas trop l'autre sens, mais j'aimerais bien essayer. Okay. Parce que t'es pas tu joues pas assez de musique ou t'es pas Mais cela dit, non, j'ai des fois des musiques, mais j'ai jamais mis de mots dessus. Je les ai toujours. Ça reste une ritournelle. Ouais, voilà. Ouais. Mais quand parce que tu dois réécouter ton disque quelquefois. Ouais, ça peut arriver, ouais. Oui. Notre disque, parce que ils sont pas là. Oh, non, mais c'est un collectif, ouais. Votre disque, ouais. Est-ce que tout le monde est content ou si vous êtes critique sur certaines choses? Parce que avoir un consensus, un groupe, malheureusement, pour un consensus, ça peut être long. Ouais. Là, en l'occurrence, je pense qu'on l'a eu le consensus pour dire ok, c'est bon. Après, il y a forcément, je pense, chacun des. Peut-être des morceaux qu'on préfère vraiment et d'autres auxquels on est moins attaché, mais là ça reste personnel, quoi, tu vois. Il nous est arrivé d'avoir quelqu'un qui a écouté l'album et qui clairement préférait tous les morceaux acoustiques, par exemple. Okay. Tu vois? Parce que c'est plus déshabillé, ça laisse les mots transparaître davantage. Peut-être, mais après. Sur scène. Moi, je l'assume comme ça, l'album, tu vois. Voilà. Est-ce que tu veux davantage faire de la scène? Sans doute que oui. Bah. Le fait d'avoir goûté un peu à ça, ça donne envie. Mais en étant plus préparé que là la dernière fois où c'était vraiment c'était un peu trop à l'arrache et pour moi en tout cas c'était du coup pas confort. Ok. Mais là, est-ce que ton côté comédien rentre en scène, c'est que de le dire quand ça arrive? Ouais, carrément. Alors t'es content quand même d'avoir une formation de comédien parce que tu peux reposer ça là-dessus puis là dire ok, là, le musicien va jouer, là, fais-toi-en pas. Il y a que comme ça que je m'en sors. T'es-tu un traqueur? Ah oui, je suis très traqueux, mais ça, c'est pas grave, ça. Ah non? Ok, t'es pas comme Brel. Ah ouais, Brel qui vomissait, non. Ok, t'es plus zen, t'es plus... Et puis Brel, incroyable. Lui, il mouille la chemise, hein. Il mouillait la chemise au passé. Ah ouais, incroyable. Et puis, il est mort jeune. Oui. Tu te rends compte ce qu'il a laissé? Mais c'est un homme qui a vécu à 100 000 à l'heure, donc il est mort peut-être à 200 ans, puisque... Exactement. Ça a donné ce que ça a donné. Ouais. Puis moi, ce que je trouve intéressant dans Brel, c'est qu'à un moment donné, j'ai plus rien à dire. Hein? Ouais. Sinon, je commence à me sentir confortable. Il voulait pas se sentir confortable, il a fait du cinéma. La bande à Bono, toutes ces choses-là. Ouais. Et puis il a fait l'aventure aussi avec Ventura. Ah oui, l'aventure sur l'aventure. C'est ça, mais il a fait plein de choses. Puis même ses propres. Avec Barbara, il a joué. Il a fait ses films. C'est ça, donc c'était un peu surréaliste, parce qu'il n'était pas. Il avait pas de formation. Donc Far c'est ça l'intérêt. West, je sais pas quoi. Oui, c'est ça l'intérêt. Ouais. C'est de faire des films quand tu connais peu le cinéma. Ouais. Tiens, voilà ma belle, qu'est-ce que tu deviens? Sans toi, ma belle, qu'est-ce que je deviens? Si seule sans celle que j'enlacerais bien. Ma vie sans celle, c'est fade. Reviens. Taquiné par ton tanin, mes lèvres épousent le verre dans lequel baigne le chagrin qui transforme la mer en mer. Je me noie dans ton jardin secret. Alors, où t'étais, ma belle? Tu vois bien que je suis pas bien? Aéré dans les ruelles où des corps sont au turbin. Le décor est si cruel, j'ai besoin de ton cul dans mes mains. Oh, dive bouteille si sensuelle, laisse-toi couler dans mes reins. Taquiné par ton tanin, mes lèvres épousent le verre dans lequel baigne le chagrin qui transforme la mer en mer. Je me noie dans ton jardin secret. Ainsi le mystère. nuit tombe, je vois ma belle qui me fait signe de la main. Puisque personne ne m'appelle, je vais t'aimer jusqu'à demain. En traversant sur ma grêle, je vais réchauffer mon destin. Tu te vides, ça m'interpelle. J'ai besoin de toi, tu sais bien. Taquiné par ton tanin, mes lèvres épousent le verre dans lequel baigne le chagrin qui transforme la mer en mer. Je me noie dans ton jardin secret. Ainsi le mystère. Ce soir tu es là, ma belle. Tu sais que mon frère est bien loin. Voici mon cœur qui se fêle, c'est dur de perdre un frangin. Ce que j'aime en toi, ma belle, ce n'est pas que le raisin. Quand ma raison se fait la belle, c'est au soleil que je dors bien. Taquiné par ton tanin, mes lèvres épousent le verre dans lequel baigne le chagrin qui transforme la mer en mer. Je me noie dans ton jardin secret. Ainsi le mystère. T'as joué dans le film No Man's Land? Ouais, avec No Man's Land. Catherine. Ouais, ouais. Tu l'as vu ce film? Oui, ben ouais. Je l'ai. Non, je l'ai revu. Puis en plus, lui, c'est un critique. Thierry Jousse, ouais. C'est un critique des cahiers du cinéma que je suivais à l'époque dans les cahiers du cinéma. Très, très, que chouette, très bonhomme. Et j'ai dit comment un être aussi dur envers les autres, quand tu travailles dans le cahier, tu peux détruire un film. Ouais. Tu te dis, je vais faire un film, donc je vais me tirer dans le pied. Ouais. Hein? Parce qu'il connaît les rouages, il sait ce que c'est qu'une analepse, un prolepse, toute la structure, parce que c'est un gars de cinéma. Ouais. Et il a fait un film tout à fait déjanté. Ah ouais, où il passe d'un style à un autre. Oui, oui, oui. Et puis c'est là qu'il a rencontré sa muse. Philippe Catherine, ouais, c'est marrant. Et puis toi, qu'est-ce que t'as fait là-dedans? Moi, j'avais juste, en fait, un petit personnage. Thierry Jousse disait que c'était un peu un elfe. C'était un instituteur dans un village, en fait. Philippe Catherine retourne, dans son village. Et il y avait des figures du village. Okay. Et moi, je faisais l'instituteur qui fume des pétards, qui n'est pas du tout l'instit modèle. Au cégep, chez nous, là, quand les cégeps ont commencé, les collèges, là, ben, c'était ça, c'était des poufs, là, des sièges à terre. Les gens pouvaient fumer un joint et parler de philosophie. Puis ça, c'était le début, en 70, là, des collèges au Québec. Mais là, c'est un instit, il a vraiment des mômes. Des petits, quoi. Les nôtres ont 16 ans. Il faisait pas fumer ses élèves. Les élèves sentaient ce qu'il avait fumé. Éventuellement. Mais en fait, si tu veux, il y a eu... mon personnage a disparu, a vachement disparu au montage, mais c'est pas grave. Okay. Ça fait partie du jeu. J'ai aucun problème avec ça. Parce que là, j'essayais de me rappeler, je te voyais pas dans le bah film. Bah non, même si j'avais eu toutes mes scènes, je pense que tu t'en rappellerais pas parce que c'est vraiment. Mais c'était une expérience sympa. Ouais. Et puis, as-tu commencé à écouter sa musique après avoir joué dans un film? Non, je connaissais avant. Okay. J'aimais bien. Comment ça s'appelle Oh merde, je me souviens plus de ce type d'album, mais il y a un album en particulier. Tu connais bien les albums? Ouais, 8e ciel. 8e ciel. Ok, ouais. Ouais, il est bien cet album. Ouais. Et avant aussi. Ouais, mais il y a La Mauvaise Réputation, il y a plein de choses. Ouais. Il y a même fait des albums à un moment donné avec sa sœur, quelque chose du genre, là, le tout premier album. Tout là. Premier album, je me souviens où. On le voit. Tu vois ce que je veux dire? On voit son visage et après une autre partie du corps. C'est vieux ça. Hein. Ah, c'est vieux. Et je connaissais, tu vois, j'écoutais. Okay. C'était un peu strange quand même. Hein. Oui. Surréaliste. Surréaliste, ouais. Ouais. Ah, mais lui, de toute façon, il est là-dedans. Il a joué dans le film de Gainsbourg aussi, il faisait Boris Vian. Il faisait Boris Vian, ouais. Il tournait là, pas loin. Oui. Bah, Amélie Poulain, c'est plus connu, ça. Ouais. Mais. Comment tu fais toi pour faire autant le comédien, le musicien, le dramaturge Comment ça fonctionne? Est-ce que tu attends que l'on te propose des choses ou si tu frappes aux portes Ça dépend des périodes en fait, mais souvent j'essaie de trouver du boulot. Ouais. Okay. C'est quand Parce même que ça. C'est vraiment pas facile. Non, c'est pas facile de. Ouais, c'est. J'arrive à. à en vivre. Après, je fais pas toujours que ce que j'aimerais faire. Okay. Mais heureusement, j'ai toujours un moment où je me consacre vraiment Que tu aimes. Ouais, à ce que j'aime. Ouais. Et ça, c'est important. Okay. C'est important. Ah, j'ai 10 questions, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Ouais. Là, parce que le début, je le sais, mais par la suite, même si ça fait une bonne dizaine d'années que j'ai rajouté des trucs, j'en ai enlevé. Ouais. Alors, si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide. Je serais l'eau d'une cascade. Ok. Parce que j'ai toujours. Quand je suis en forêt, quand je vais près d'une cascade, quel que soit ce que j'ai pu vivre de galère et tout ça, ça me ressource direct, quoi. Ah, mais ça, ouais, ça tombe bien. Ben, l'eau est la source. Ouais. Donc un liquide, je pense à la cascade. Oh, oui, c'est bien. Si tu étais une ville. Une ville. Une ville que je viens de découvrir, ouais, là, ouais. Osta, c'est dans le Pays Basque, okay. c'est dans un cirque, okay. Et donc le soir tu te poses, tu regardes, et il y a 80 habitants. Tu étais en vacances ou... Ouais, vacances, randonnée un peu, okay. Voilà, okay. Et donc Osta. Si tu étais. Ah, ok, hier tu es arrivé de là-bas? Ouais, je suis arrivé hier, ouais. Ok. Ouais. Si tu étais une langue? Une langue? Ah, je vais être chauvin, je veux dire. Bah, oui. Le français, parce que c'est vraiment. Cette Molière langue. Molière avait raison, de s'y attarder. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Molière avait raison de s'y attarder. Bah ouais, je pense. Mais en fait, voilà, c'est ma langue et c'est grâce à cette langue que j'ai. Que j'ai écrit et tout ça, donc ça m'a beaucoup nourri, quoi. Puis encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Et de plus en plus. Et de plus en plus, et j'espère encore plus demain. Oui. Si tu étais une époque. Une époque, c'est dur, ça. Il y a le tellement, hein. Ouais. Peut-être une époque romantique. Parce que j'ai un côté romantique, donc une époque romantique. Un petit côté Olio Saint-Glésias. Ah ouais? Olio Saint-Glésias, le gars romantique de ses dames, hein, d'une certaine époque, dans les années 80. Voilà, allez. Tu veux dire 1880 ou... 1880? Ouais, ça, 1880. Ok, assez précis. Allez. Avant le cinéma? Ouais. 9 ans avant le cinéma? Allez. Ah ouais. Si tu étais un aliment... Ah, si tu étais un mot. Un quoi? Un mot? Un mot. Un mot, Il y en a beaucoup, hein. Ah, il y en a beaucoup des mots. Suite. Ouais, en même temps, suite, ça fait un peu suite princière, j'aime pas. On va dire volatile. Volatile. Ouais. Ok. Si tu étais un aliment. Un aliment Un aliment, je serais. Oh, c'est dur un aliment. Il y en a tellement. Hein. Probablement on va dire une tomate. Ok. Une tomate. Ok. Mais c'est. Puis en plus, longtemps, on savait pas si c'était un fruit ou un légume. Hein. Ouais. Ouais. On s'est posé la question. Ouais. Et c'est un fruit. Ouais. C'est un fruit, ouais. Oui. Mais c'est bien la tomate parce que c'est. Il y a un truc très frais là-dedans. Et en même temps, on ne souhaite jamais la recevoir. On ne souhaite jamais la recevoir, exactement. Exactement. Si tu étais une saison. Une saison, peut-être l'automne. C'est plus frais. Ouais, puis il y a. Tu connais le chanteur Tété? Oui, Tété, oui. À la faveur de l'automne. Oui. Et l'automne, il y a des belles couleurs. L'automne. Et ça nous prépare à la mort de la saison. Ouais. Et après, c'est, j'aime bien, en fait, j'aime bien la, le charme de chaque saison. Ok. Chaque et, chose, à, ouais. chaque saison a sa, ouais, a sa beauté. Ouais. A sa spécificité. Ouais, ouais. Mais bon, voilà, s'il faut en choisir une. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel, je serais tenté de dire l'oreille par rapport à l'oreille ouais. fougueuse de la voisine. Ah oui. Mais, ah oui, c'est vrai. Et voilà, pour faire ce lien, je vais dire ouais. ça, ouais, l'oreille. Ouais. Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée, le matin tôt. Ok. Le matin tôt, quand tout démarre, quoi. Et déleste. Glisse et déleste. Laisse à l'instant assez de temps. D'ouest en est. Si de leur soupir à le temps ils t'agressent, peste. Oui, mais pourtant sois distant, reste. Reste. Du côté court des éléments. Ainsi questionne le soleil, le vent. Déleste. Allez, allège, déjoue le jeu des gens jaloux, déloge leur déluge, déloge, protège tes jours où j'acajou que des Judas déjà s'adjugent. Dévie la vie des villes sans vieux, dont la vie d'avant vire aux vieux. Passant passible d'une peine de cœur au mieux, ne sois passible des faux semblants, des faux sensibles. Leur feu passable ne ravivant plus l'impossible, foule le sable, fais-le de façon ostensible, façonne et crible de bulles d'art leur débit débile et volubile, qu'ils déballent dans le but habile de faire du mal. Te fais pas de bile, fais-toi la malle, n'obtempères pas. Quand leurs pas sont à l'unisson, ne te perds pas. Ne perds pas de vue ta passion. Dans cette bataille, n'avale pas leurs envolées pleines de poison. Et n'oublie pas que ces soi-disant nobles ne sont que des appâts apeurés par d'autres poissons. J'ai des périodes couche tôt, des périodes couche tard. Okay. Mais comme là je viens de marcher, tu sais, cette semaine là j'ai marché dans la ouais, nature. Ouais, ouais. Mais pourquoi tu marches, pour t'évader? Ouais, pour. Il y a un côté sportif que j'aime bien. Okay, c'est physique. Ouais. Et je me sens vivant quoi quand je marche. Et ça me ramène à l'essentiel en fait. Compostelle, est-ce que tu l'as déjà fait? Ah non, mais j'ai fait des randos assez longues, tu vois. Okay. Est-ce que tu prends un morceau de bois ou... Ah, les bâtons, tu veux ouais, dire ouais, ouais. Ouais, j'ai des bâtons. Ok, t'as des bâtons à la maison. Ouais, ouais, en fait, pour être... Je vais pas m'étaler là-dessus, j'ai été initié, on va dire, par ma copine, okay. qui elle, marche depuis longtemps, et okay. j'ai découvert ça, et ça me parle vraiment. Mais dans la vie, tu ne veux vraiment pas la faire marcher. J'essaie d'éviter, ouais. Si tu étais un autre individu. Un autre individu, ça veut dire ce que tu veux. Ce que je veux. Oui. Alors, je vais dire un personnage de bande dessinée. Ah oui. Ah ouais, parce que j'adore la BD. Ok. Et je vais dire Gaston Lagaffe, tu vois, on en parlait, j'en ai parlé tout à l'heure. Puis j'y ressemble tellement. Je suis un gaffeur, ça. Toi? Ah oui. Ah, je suis comme Claude Nougaro, je suis à côté de la plaque souvent. OK. Ah oui, oui, oui. OK. Ah ben Nougaro. Mais je me suis senti à l'aise quand je l'ai entendu dire, quand on racontait sa vie sur France Inter en 10 épisodes. Je crois que c'est la 7e, il disait j'ai toujours été à côté de mes pompes, au moins on est deux. Ça m'a rassuré. Parce que je croyais que j'étais tout seul à côté de mes pompes. Je pense qu'il y en a pas mal en fait. C'est vrai que ça rassure d'entendre ça. Oui, oui, oui. Ouais. Mais surtout dans Claude Nougaro, tant mieux. Et si on peut être comme lui à côté de la plaque. Ouais. C'est lui qui disait je me prenais pour un as et je me suis rendu compte que j'étais has-been. Oui, tu sais, oui, à la période, sa période de creux. Exactement, là. Oui. Oui. Il parlait aussi à un moment donné, il rend hommage à Gainsbourg, puis il disait qu'il était un mineur de fond, comme le disait le grand Serge. Est-ce que tu connais la chanson? C'est beau. C'est ça, un genre de blues. Une mort tragique. Cancer. Ils ont fait un documentaire, tu le voyais en studio la dernière journée. Je crois qu'il est mort une semaine après. Son pianiste travaillait sur ses projets. C'est pour ça que les derniers, c'est des instrumentations. Là. C'est pas parlé. Ouais. Tu le voyais, il était très, très, très, très malade. Amaigri. C'est vraiment. Je sais pas quel âge il avait, le numéro quand il est mort. 70, hein? Fin 60. Ah ouais. C'était... À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Alors ça c'est une question intéressante parce que je me dis que tout ce qui m'est arrivé m'a amené à des choses que j'avais pas prévues et donc je changerai pas. Alors t'as pas de plan de carrière? J'ai pas de plan de carrière. Ouais. Là, en ce moment, je suis vraiment à l'écoute de ce qui se passe et j'ai lâché un peu de lest par rapport à quand j'étais plus jeune où justement j'avais certainement une envie précise et tout ça. Et en fait, là maintenant, je me dis écoute tout ce qui se passe. Là, par exemple, dans l'interview, il y a des questions que tu as pu me poser qui vont m'interpeller. Alors je t'enverrai l'enregistrement, tu vas pouvoir approfondir. Je veux bien. Non, mais... manière freudienne. Couché dans ton sofa. Avec une bonne bouteille de rouge peut-être, là, tu vas comprendre des choses. Mais est-ce que vous travaillez, parce que là tu représentes aussi le groupe. Oui, bien sûr. Est-ce que vous travaillez sur un autre album ou... Pas pour l'instant, déjà on va essayer de... De le diffuser, ouais. Donc on pour parler avec des gens. Okay. Pour trouver une étiquette de disque? Ouais, un label. C'est pour ça que j'ai dit étiquette de disque. Étiquette de disque, oui. Okay. Alors, mais après, si tu veux, à mon avis, on va probablement faire un crowdfunding, tu sais. Même si on bosse avec quelqu'un, aujourd'hui, c'est difficile de... Mais là, actuellement, il est disponible comme moi je l'ai eu. Ouais. T'as vu, ouais. Non, il n'est pas disponible. Là, le lien que je t'ai envoyé, c'est privé. OK. Je te l'ai dit pourtant, mais je ne l'ai peut-être pas assez spécifié. OK. Donc faut pas... Mais quand tu vas le lancer... Non. OK, mais je peux pas le diffuser à la radio. Bah je sais pas, je me suis posé la question en même temps. Tu en parlais à ton groupe parce qu'est-ce que je diffuse à travers nos rencontres, Serge Reggiani, Gainsbourg, Higelin. Non mais je pense que tu peux mettre certains morceaux, même si l'album est pas sorti, je vois pas en quoi. Ok, alors je peux. Ouais. Mais veux-tu en parler au groupe avant? Tu peux en parler au groupe? Je te tiens au courant, mais on en avait parlé, on s'était dit si tu veux diffuser 2-3 morceaux, il n'y a pas de problème. Et la totalité, non. Et la totalité, peut-être pas. Parce que j'avais... Je crois que... Tu vas attendre que ça sorte... Je me dis, si tu diffuses tout l'album... Mais ça sera pas... Moi, quand je diffuse... C'est certain, là, il y a 13 titres, hein, c'est ça? 15 titres. Ouais. Mais ce ne sera pas dans la chronologie. Et, oui. Oui, ce sera ce que non. toi, tu as envie par non, rapport non, non, non, à... Non. Ben, ça dépend. Souvent, je fonctionne avec... Je fais des bribes, des montages, et je présente une chanson après, exemple, 8 minutes de discussion. D'accord. Parce qu'après 10 minutes, l'auditeur ne tient plus la route. Oui, j'ai écouté, tu sais. J'ai écouté OK. Mais tu as écouté au moment de l'improvisation aussi, du début jusqu'à la fin? J'ai écouté en fait, j'ai découvert ton émission. Quand tu nous as contacté et tout ça, je me suis dit... Je vais écouter, quoi. Okay, je suis tombé sur une émission où tu as la grippe. Oui. Ah oui, oui. Je me suis dit, ok, il est barré. Ah oui, oui, effectivement. Mais c'est l'improvisation, moi, c'est les mots qui amènent les idées. Oh, mais ça m'a fait rire. Okay. Ça m'a fait rire. C'est bien, il est fou. Ah oui, c'est ça. Mais il y a du fond. Oui. J'ai senti que c'était. Ben, il y a des personnages. Il y a beaucoup de fond. Ben, c'est parce que les personnages ont des choses à dire et moi, je peux pas placer un mot. Ouais. Donc, c'est mes personnages qui. Ouais. J'ai jamais fait une émission sans que mes personnages entrent en jeu. Donc, c'est des êtres qui s'imaginent tout savoir, mais fondamentalement, sont aussi cons. Les cornichons ne sont pas tous dans les pots. Donc, c'est ça. Et j'en ai beaucoup à mon micro. Ah ouais, mais je me suis dit, mais c'est complètement barré. Quoi. Ah, c'est décollé, ouais, c'est surréaliste. Ouais. C'est bien. Et après, j'ai entendu des interviews un peu. Des gens que je connaissais d'ailleurs. Ah oui, bon. Ouais. Qui? Isabelle Loriot. Oui. Mais j'ai pas écouté tout, hein. J'ai pas eu trop le temps. Non, mais en plus, c'est sur 14 ans. Hein. Ouais, mais fallait que j'ai une petite idée, quoi. Ah oui, t'as une idée assez précise de ce qu'est le personnage. J'étais découvert avec cette histoire de grippe, là. Oui, la grippe. Mais pour revenir à la musique, peut-être 4-5 entouré de Reggiani, Gelin. Ouais, ça peut être bien, ouais. Okay. Ouais. Okay. Ouais, carrément. Okay. Okay. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça va pas nous... Non. Non, c'est bien. Il faut bien vous entendre. Si... Ouais, ouais. Et puis, et l'enregistrement, tu pourras me le... Oui. Peut-être qu'on mettra sur notre page, tu vois. Tu fais ce que tu veux. Tu vas avoir l'enregistrement de ce que je t'ai fait, ce qu'on a fait ensemble. Okay. Et puis, sans montage. Et après, tu vas avoir l'enregistrement avec mon introduction de 47 minutes, avec après ça, la rencontre. Okay. Donc, tu fais ce que tu en veux. Tu peux mettre ça dans la poubelle Windows, il n'y a pas de problème. Okay. T'es libre de faire ce que tu veux. Mais je suis content de les avoir rencontrés. On s'embrasse avec les yeux, quand dans les pupilles ça brille, quand dans nos cœurs soudain ça braille, quand les soucis sont des brindilles, que nos sourires nous assaillent, quand les sourcils s'élancent et vrillent, quand nos cheveux rêvent de bataille, qu'on retrouve l'âme d'un joueur de billes au jour où gît dans la marmaille, quand l'envie de rire nous habille chaque matin même sous la grisaille. Quand on s'embrasse avec les yeux, savourant ce moment précieux, mélangeant le noir et le bleu, sous le toit délicieux des cieux, au bouquet d'étoiles gracieux. Les yeux, qu'on soit gamin ou qu'on soit vieux, ça vous gomme le vil et l'odieux, ça vous rend vivant dans les cils aussi, dans les tempes et les cils les deux, dans les silences et les syllabes, sans les temples et si loin des dieux, de grains de sel sur le sable, dans le sillet des amoureux. Amoureux. Quand on est amoureux, c'est dans le cœur, c'est dans les yeux, le ventre aussi se sent saisi, ça rend heureux puis malheureux, ça se respire en grand, ça s'inspire largement, ça inspire des tourments, mettant deux pas géants, c'est du miel dans le torse, des frissons dans les bronches, un médoc plein de force qui réchaufferait la tronche, une caresse de la vie, le recul de la mort, c'est mieux que de la cam, ouais c'est comme un ressort.